Chapitre 7e. Le crépuscule embaumait déjà la fraîche vallée de Bièmes quand les deux frères, en compagnie de Mademoiselle Colette, pénétrèrent dans la salle à manger dont les volets étaient clos et qu'une suspension éclairait doucement de sa blonde lumière. Cette pièce offrait le même aspect, à la fois simple et confortable, que le reste du logis. Une flambée pétillait dans la cheminée et promenait de fugaces lueurs sur les faïences et l'argenterie du buffet de noyer. De vieilles gravures décoraient les boiseries peintes en grisaille. Sur la nappe, d'une blancheur réjouissante, quatre couverts étaient mis. Au milieu, la soupière exhalait discrètement la savoureuse odeur du pot-au-feu traditionnel. « Asseyez-vous à droite et à gauche de ma fille, » dit gaiement M. de la Louvière. « Vous serez traité à la bonne franquette, et il faudra que vous vous contentiez du dîner dominical ordinaire. Trop éloignés des villes pour nous y approvisionner, nous vivons des produits du terroir. Les légumes viennent de notre potager. » Le verger nous donne ses fruits, la basse-cour a fourni la poule du potage, et vous goûterez tout à l'heure le râble d'un lièvre tué dans mes chasses, en même temps que des écrevisses pêchées dans un ruisseau du voisinage. Maintenant que vous connaissez le menu, je vais vous servir la soupe, sans plus de cérémonie. Pour simple qu'il fût, le dîner était excellent. Edme et Clément, peu gâtés depuis 2 jours, y firent honneur. Le râble et les écrevisses étaient accommodés avec cette amoureuse sollicitude que seule une experte ménagère s'est apportée à la parfaite exécution d'un plat. Tout était cuit à point, tout était exquisement assaisonné par la belle humeur de Jean de la Louvière et par le joli rire de Colette. L'hospitalière chaleur du feu de cheminée, l'odeur agreste des plantes forestières disposées dans des vases à chaque bout de table, achevaient d'envelopper les deux jeunes gens d'une réelle sensation de bien-être. Au dessert, Cady apporta une tarte au quetsch confectionnée par Colette. Monsieur de la Louvière déboucha une bouteille de vieux vin de Thiancourt, remplit les verres et l'on trinqua à la ronde. « À votre santé, cousin, » s'écria le maître verrier, « et à la bonne fortune qui vous a amené chez moi. Causons un peu de vos affaires. Notre Argonne est mal connue et les touristes ne la visitent guère. C'est ce qui vous explique l'émotion causée par votre apparition à Saint-Rouen. D'où vous est venue l'heureuse idée d'excursionner dans la vallée de Bièmes ? On nous avait vanté, répondit Edme, les sites pittoresques de votre forêt. Et nous avons voulu les connaître. » Et puis, ajouta étourdiment le cadet, auquel le vin de Thiancourt déliait la langue, nous désirions pousser jusqu'au Chanois, où demeurait jadis notre grand-père Courouvre. Oui, avoua Edme à contre-cœur, c'était une fantaisie de Clément. Vous avez voulu voir Chèvre-Chêne, l'ancienne propriété du conventionnel, reprit Jean de la Louvière, à qui n'avait pas échappé la mine réservée du frère aîné. Mon Dieu, c'est tout naturel, et je comprends votre curiosité. Il en reste malheureusement plus grand-chose du logis des Courouvres, et votre tante Charmette y aurait trouvé bien du changement. À propos de Chèvre-Chêne, figurez-vous que par une bizarre coïncidence, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu la visite d'un particulier qui venait me demander de m'associer avec lui pour exhumer un prétendu trésor enfoui autrefois par notre aïeul Courouvre dans un de ses champs. Ce monsieur est comme vous de Juvigny et s'appelle Goupillard. Saturnin Goupillard ? Se récria Edme. Eh oui, nous le connaissons. Il était en relation d'affaires avec tante Charmette et nous a même offert de devenir notre curateur, au cas où le conseil de famille nous émanciperait. « Le choix serait médiocre, » repartit le verrier. « Vous auriez là un curateur qui entendrait singulièrement les intérêts de ses pupilles. »« Goupillard est un drôle, » déclara Clément. « Je m'en suis douté. Aussi lui ai-je fait comprendre en 2 mots qu'il me proposait tout bonnement une canaillerie, après quoi je l'ai mis carrément à la porte. » Dans mon idée, ce Goupillard est un farceur. L'histoire de la cachette est une fable, et je vous crois trop sensé pour tabler sur le trésor chimérique de Chèvre-Chêne. Mais ce n'est pas du tout une chimère, protesta Clément avec feu. Oh, oh, interrompit ironiquement Jean de la Louvière. Vous aussi, vous avez donné dans ce godan-là. Mon cousin, reprit Edme, j'ai d'abord, ainsi que vous, traité de fable cette histoire de trésor. Mais nous avons trouvé dans les papiers de la tante un ensemble de documents où l'existence de la cachette paraît démontrée. J'en ai formé un dossier que j'ai à tout hasard, emporté dans mon sac, et si vous le permettez, je vais vous le communiquer. « Il est toujours bon de s'éclairer, » répondit la Louvière, sans se départir de son ton sceptique. « Allons chercher là-haut votre dossier. Nous l'examinerons ensemble, et Colette ne sera pas de trop. Elle a un jugement très droit, et elle nous donnera son avis. » Il alluma un bougeoir et accompagna l'aîné des Courouvres dans la chambre d'amis. Dès qu'ils furent de retour, Edme étala le dossier sur la table, lut le testament inachevé de Mademoiselle Charmette, puis produisit les notes abrégatives et le plan à l'appui. Ayant exposé les résultats de son travail d'interprétation, il consulta du regard les physionomies attentives du père et de la fille. « Vous le voyez ?» dit victorieusement le cadet. « Tout ça est logiquement déduit, et il ne s'agit pas de chimères. En tout cas, observa Colette, et pour mon compte, les notes m'ont vivement intéressé. C'est amusant comme un roman. » Comme un roman, en effet, répliqua M. de la Louvière. Mais j'ai grand peur, ainsi qu'à l'instar de certains romans, le dénouement ne vous laisse des déceptions. Par exemple, s'exclama Clément, choqué. Oui, mon brave, des déceptions. Admettons, comme prouvé, l'existence de la cachette. Croyez-vous que depuis 1815, on ait attendu votre arrivée à Chèvrechêne pour pratiquer des fouilles? Et puis, expliquez-moi pourquoi votre tante, qui était dans le secret, aurait elle-même attendu si longtemps pour songer à exhumer cette fortune dont elle avait grand besoin. Pourquoi ? Riposta Clément. Elle le dit dans son brouillon de testament. Elle parle de scrupules qu'il a retenus, qu'il retienne encore, et qu'elle ne se décide à mettre de côté que dans l'intérêt de ses neveux. Des scrupules ? Interrompit avec vivacité Colette. La pauvre demoiselle pouvait certainement en avoir. Au fin fond de sa conscience, en dépit de son culte pour notre aïeul le conventionnel, elle devait s'avouer que le personnage n'était pas de tout point recommandable, car enfin il avait voté la mort du roi, trahi successivement ses amis Danton et Robespierre, et on le soupçonnait, en outre, de s'être approprié des papiers et des bijoux pillés aux Tuileries. Je tiens ces détails de ma grand-mère Zélie, qui ne partageait ni les illusions ni les adorations de son aîné. Cette divergence d'opinion avait été précisément le motif de la brouille des deux sœurs. Votre chère tante Charmette considérait son père comme un héros sans tache. Du moins, elle cherchait à se le persuader et ne voulait pas être désenchantée. C'est probablement pour cette raison qu'elle ne s'est pas souciée de violer le secret de la cachette. Ni Edme ni Clément ne semblaient disposés à discuter les appréciations de leur cousine. Malgré eux, ils subissaient le contre-coup des fatigues de la journée. Sous l'influence du dîner copieux et du pinot de Thiancourt, ils avaient peine à lutter contre un sommeil envahissant et se taisaient, en proie à un engourdissement invincible. Jean de la Louvière s'en aperçut. « Le raisonnement de Colette est excellent, conclut-il, et j'admire la perspicacité de cette petite. Mais pour le moment, mes chers amis, vous me paraissez surtout avoir envie de dormir. Laissez-moi votre dossier. Je le reverrai demain dès que j'aurai une minute. Ce soir, le plus pressé est de vous reposer. Souhaitez le bonsoir à votre cousine et je vous conduirai à votre dortoir. » Ils ne se firent pas prier. Le maître verrier les installa chez eux, leur serra les mains et ajouta « Bonne nuit. Demain, on viendra vous éveiller pour le premier déjeuner que nous prendrons tous ensemble. » Les deux frères dormirent profondément jusqu'à 7 heures. Rafraîchis et retrempés par ce bon bain de sommeil, ils étaient prêts à descendre lorsque Cadie frappa à leur porte. Elle les mena à la cuisine où se trouvaient déjà M. de la Louvière et sa fille. Sur la table dressoir, des bols de porcelaine étaient rangés. Colette, toujours alerte et gaie, surveillait la confection des tartines beurrées qu'elle exposait devant le brasier, dans un large grille-pain, et qui devenaient dorées et croustillantes. Bientôt, une affriolante odeur de rôti, mêlée à l'arôme du café, embauma la pièce et les convives s'assirent autour des bols fumants. « Vous voyez, dit M. de la Louvière, nous agissons sans façon. Afin de simplifier les détails et de vaquer plus vite à nos occupations matinales, nous avons l'habitude de prendre notre café au lait à la cuisine. Dès que vous aurez déjeuné, nous irons ensemble à la verrerie, si vous le voulez bien. » « Avec grand plaisir, répondit Edme. Pourtant, je désirais d'abord assurer par une dépêche notre vieille servante Monique. Avez-vous le télégraphe à Futeau ?»« Parfaitement. Vous rédigerez votre dépêche à mon bureau, et elle partira immédiatement. Là-dessus, laissons Colette à ses besognes de ménagère. Nous la retrouverons au repas de midi. » Ils s'en allèrent par les jardins, où des roses d'automne fleurissaient encore parmi les dahlias et les clématites, et où les branches des pruniers ployaient sous le poids des prunes violettes. En chemin, M. de la Louvière étudiait ses jeunes cousines et cherchait par d'adroites questions à démêler les nuances de leur caractère. « S'il n'y a pas indiscrétion, demandait-il à Edme, quels sont vos projets pour l'avenir? Vous voilà bachelier, et votre frère le sera également sans doute à la fin de l'année prochaine. Mais le diplôme de bachelier est un titre nu, et si je m'en rapporte aux notes de votre tante Charmette, la rente qui constitue votre unique ressource s'éteindra dans 3 ans. Comment comptez-vous ensuite assurer le pain quotidien ? Nous y avons déjà songé, répliqua l'aîné. J'ai résolu de réserver la rente pour subvenir à l'instruction et aux besoins de Clément pendant les 3 années. Il quittera le lycée dès le mois d'octobre et se présentera soit aux arts décoratifs, soit aux beaux-arts. Il y entrera d'emblée, car il dessine déjà très habilement, et il essaiera de s'y créer une position. La carrière des arts est bien encombrée, et là, surtout, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. J'ai vu quelques-uns de ses dessins et ils donnent des promesses. Mais ce n'est pas tout d'avoir du talent. Il faut encore faire preuve d'endurance et de volonté. « J'ai le désir d'arriver, » affirma Clément, « et quant à de la volonté, je n'en manquerai pas, je vous le jure. »« Tant mieux, » repartit le verrier, en souriant de cette belle assurance de la jeunesse, puis s'adressant de nouveau à Edme. « Et vous, mon brave, quelle est votre vocation ?»« Oh, moi, je suis moins ambitieux. J'ai du goût pour l'industrie, et je voudrais trouver dans quelque usine un emploi modeste qui me permettrait de gagner tout de suite un peu d'argent. Bravo, vous êtes un sage. Mais nous voici à la verrerie. Vous allez d'abord rédiger votre dépêche, et nous visiterons ensuite les bâtiments. » L'usine était en pleine activité. D'espace en espace, des lueurs empourprées illuminaient les baies de la façade. En sortant des bureaux, M. de la Louvière conduisit ses hôtes dans le grand hall de la fabrication. Sous une haute toiture de tuiles, s'élevait un parallélépipède de maçonnerie, dans l'intérieur duquel flambait la fournaise destinée à mettre en fusion les matières vitrifiables. Sur l'une des faces du massif, béaient les bouches des fours ou creusets qui contiennent la fonte et qu'on nomme des ouvreaux. Il s'en échappait une lumière aveuglante et une chaleur à peine supportable. La fonte grondait et détonnait dans les creusets. Ça et là se démenaient les ouvriers et leur robuste silhouette s'enlevait en noir sous la violente clarté des ouvreaux. Il n'avait pour vêtement qu'une longue chemise de cotonnade bleue. Tout d'abord, Clément fut empoigné par le spectacle étrange de ces travailleurs du verre, cuits jusqu'aux moelles par la laine embrasée des fours, vêtus de cette robe qui leur tombait jusqu'aux pieds, ayant presque tous une fière et énergique expression. Avec une intime jouissance d'artiste, Clément les regardait s'agiter comme de fantomatiques génies du feu. L'un d'eux, à l'aide d'une canne de fer creux, cueillait au creuset une boule de matière en fusion, et courait vers un autre compagnon chargé de rouler cette masse liquide sur une plaque de métal. La canne nous pendait un fuseau de verre rouge cerise, passé ainsi de main en main jusqu'à ce qu'il arrivât au maître souffleur. Celui-ci plongeait la pâte visqueuse dans un moule et en moins d'une minute en retirait une bouteille déjà formée et gardant une vermeteinte lumineuse. Quand, pendant près d'une heure, les deux frères eurent observé à loisir toutes les phases de la fabrication, le maître verrier, pour répondre aux questions d'Edme, vivement intéressé, entama de minutieuses explications techniques. Alors le pauvre cadet, qui n'y comprenait goutte, commença à trouver le temps long. Tout en écoutant à demi ses deux compagnons, engagés dans une aride dissertation sur la composition chimique du verre à bouteille, Clément ne pouvait s'empêcher de regretter la société de sa jolie cousine. Aussi demanda-t-il la permission de retourner au bureau pour écrire la lettre promise à Monique et annoncer dans la dépêche. Après avoir terminé son épître, il la porta à la boîte. Une fois en plein air, il se sentit un irrésistible désir de s'évader à travers la prairie et de retourner à la maison d'habitation. Au sortir de la fournaise des ouvreaux, il éprouvait une rare volupté à respirer la fraîche odeur des feuilles en automne, et quand, rentrant dans le jardin, il aperçut Colette, occupée à cueillir des fruits, il lui sembla entendre en lui-même une joyeuse musique, pareil à la chanson réveillante des alouettes qui montait là-bas à tire-d'aile vers le bleu tendre et léger du ciel de septembre.